l'heure de Shiloh Hind à Brezonuk. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonuk. Iris, c'est le moment de Hent Arbrezonek. Kentel Pemkam Dek 510. Eri, c'est Eri Le Naou, Henri Le Naou, qui nous accompagne sur le chemin du breton avec, ma foi, beaucoup de persévérance et beaucoup de bienveillance. Bonjour Henri. Oui, bonjour Morgane. Madame Tragana. Ya Matrine, ce que te clem. Henri, on commence toujours Hent Arbrezonek par un mot. Et cette fois, c'est un sacré mot. Oui, oui, c'est ça, oui. C'est un, je me suis rendu compte l'autre jour, je sais plus pourquoi, je pensais à mon grand-père, peut-être, que le mot sacriste, on l'avait jamais traité. Sacriste, hein. Alors ça s'écrit S-A-K-R-I-S-T. Et ici, on prononce sacriste, hein. Le S ici, il y a toujours, souvent tendance à donner un Z, quoi. Voilà. Alors c'est un mot qui est emprunté au vieux français, qui était sacriste, hein, le même pratiquement, le sacriste, qui a donné en français le mot sacristain. Voilà. Alors le mot sacristain et sacristi aussi. Hein. Alors ce mot existe également en gallo, hein, sous la même forme, le sacriste. Voilà. Et donc, y a un pluriel qu'on emploie rarement, je l'ai entendu que deux ou trois fois, sacristain. Hein. Les sacristains, quoi. Je l'ai entendu parce que dans le temps, il y avait une réunion annuelle des sacristains du Lord de Pemrite et de Tremargat. Et donc, on employait le pluriel sacriste. Mais c'est assez rare que des sacristains se rencontrent. Alors, le mot français sacristain vient du latin sacristanus, donc qui vient de lui-même de l'adjectif latin sacer. Hein, sacerdoce. Comme le sacerdoce, c'est ce que j'allais donner, oui. Ouais, ouais. Donc voilà. Alors le français a également un féminin, enfin même deux féminins, sacristaine, qui est utilisée dans les ordres religieux, et sacristine. En breton, ce serait sacristes, mais je ne l'ai jamais entendu. Il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de sacristines non plus. Donc ça vient de sacer, comme je l'ai dit, hein. Le latin qui veut dire sacré, et en breton l'adjectif sacre existe aussi, hein. S-A-K-R, voilà. Et alors il y a une chose assez curieuse, c'est que quand on l'emploie dans le sens de, par exemple, quand en français on dit sacré Charlemagne, hein, par exemple, dans la chanson, en breton on dit sapré pour éviter le blasphème. Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ne pas dire sacré. Dans ce sens-là, quoi, sacre, hein. Donc, on dit sapré, esso sapré, will. Hein, celui-ci est un énergumène. Hein. Voilà. Alors, avant la séparation de l'Église et de l'État, donc en 1905, le sacristain était nommé par la fabrique, qui était l'ensemble, une petite assemblée chargée d'administrer les biens et les revenus de la paroisse. C'était les fabriciens. Et donc, c'est eux qui désignaient le sacristain. Ils avaient leur banc. Et ils avaient leur banc, ils avaient un certain nombre de prérogatives. Mais c'était renouvelable, hein, tous les trois ans. Hein. C'était en fait un fonctionnement en association, hein, avec un bureau. Alors c'est assez amusant, parce qu'en général, ils étaient cinq. Dans les petites paroisses, ils étaient cinq. Donc dans ces cinq-là, il y avait deux présidents. Le président des Marguillers et le président de la fabrique, quoi. Donc ils étaient presque tous présidents ou vice-présidents de quelque chose, quoi. Voilà. Et ça a duré jusqu'en 1905. Alors le sacristain, son rôle donc c'est d'assister le recteur de la paroisse, hein. Il est chargé de l'entretien courant de l'église, du cimetière aussi. Donc ça c'est une tâche familiale, parce que pour entretenir le cimetière, il faut plusieurs personnes, hein. Il répond aux prêtres en latin pendant les offices, voilà. Et puis, il s'occupe aussi des sonneries de cloche, l'Angélus tous les jours, le glas, le tocsin quand il y a des incendies ou la guerre. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est très occupé, en fait, par les tâches ecclésiales. Alors, il est rémunéré, donc, par, je l'ai dit tout à l'heure, par la fabrique au départ, et puis ensuite par la paroisse, sur, euh, sur les activités qui sont faites, hein, les mariages, les baptêmes, tout ça, les sépultures. C'est ce qu'on appelle le casuel, hein, qui est un revenu qui permet de rémunérer assez chichement d'ailleurs le sacristain. Par contre, le sacristain avait droit de faire des quêtes en nature, hein. La quête du lard, par exemple, hein, en hiver, et la quête du blé après les moissons, quoi. Donc il allait chez les gens faire sa quête, comme faisait le recteur aussi, quoi. Voilà. Donc, ces sacristains-là ont toujours un autre métier. Souvent, ils étaient artisans, parce qu'il fallait être très disponible. Donc, souvent, un artisan qui habitait dans le bourg. Parfois, un cabaretier. Il y en a eu, par exemple, à Pemrite, la famille Lecoq. La famille Lecoq, c'était une dynastie de sacristains. Ils étaient sacristains de père en fils, et bistrotiers aussi de père en fils. Et il tenait à la fois l'église et la chapelle, le cabaret, quoi. C'était, ou alors ils étaient artisans, pas souvent forgerons, hein, mais souvent des artisans du bois, par contre. Menuisier, oui. Voilà. Alors c'était un petit peu un honneur, hein. C'était honorifique d'ailleurs dans tous les actes de l'état civil, c'est toujours ce métier-là qui a marqué sacristain. Alors que c'était souvent l'autre métier qui faisait vivre, mais le plus honorifique, c'était sacristain. J'ai entendu dire quand j'étais jeune, Zach, il n'est que de notre, mais il vrai que zone, il trône. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas un monsieur, mais sa femme, c'est une dame. Sa femme, c'est une dame, oui. Voilà. Donc, il y avait une activité comme ça, un peu de. Autour de l'église, hein, une activité, donc il y avait pas mal de gens, donc j'ai déjà parlé de la bonne du curé, hein, Orvates, et puis il y avait aussi les enfants de chœur, colistes dans breton, ça vient de choriste, hein, c'est avec le R qui devient L, hein, ça c'est très fréquent, et donc ça donne colistes, hein. Et c'est pour ça qu'il y a eu, après la guerre, il y avait eu un candidat aux élections qui avait dit dans une réunion, mis au gaulliste, et quelqu'un dans la salle lui avait dit, Benoît d'Oraille, à ton âge? Et le gars n'a jamais pu rattraper l'hilarité de la salle. Bon, on en reste là? Et ben, on va en rester là pour aujourd'hui. Et on passe à la seconde partie, Braison Nactam, Matam. Brezhoneg Tamm à Tamm. Eric, quel va être le sujet aujourd'hui de Brezhoneg Tamm à Tamm? Aujourd'hui, on continue sur les mots gaulois, ceux qui sont connus, et finalement, il y en a de plus en plus, puisque les recherches ont avancé dans ce domaine-là. Et maintenant, le vocabulaire gaulois, et on en connaît de plus en plus. Alors, j'étais resté sur Balanos, hein, qui était donc le genêt, qu'on trouve en breton sous Balan, hein, ou Bandel. Et j'arrive à Bardos. Alors, Bardos, c'est un poète, ou un barde, c'est le barde, hein, ça donnait le mot français barde. Hein. Et en gallois, c'est Bars, hein, avec deux D à la fin. Et en breton, c'est Bars. Hein. On a déjà parlé de ce mot-là, hein, en breton, hein, et les noms de famille, le Bars, voilà. Donc, Bars, hein, et après Barzon, donc les poèmes, etc. Bon, on a déjà fait une émission sur ce sujet-là. Barnaos, c'est le jugement. Hein. On retrouve la même racine qu'en breton, Barn. Hein. Barn, qui est le jugement aussi, qui est un mot féminin, Urvarn général, par exemple, chanté par Anne Maïpeneg, hein, une chanson de Jean Maïnent. Hein. Le tribunal aussi, non hein oui, le tribunal et les juges, Urvarn et Arien. Hein. Les juges, par exemple, dans un concours de chant ou de n'importe quoi, hein, Urvarn et Arien. Les juges, hein, voilà. Beko, avec, alors, sur l'orthographe du gaulois, c'est assez variable. Là, c'est souvent avec deux C, hein, B-E, deux C-O, parce que c'est transcrit dans des inscriptions qui sont souvent des inscriptions à moitié latines aussi, quoi. Donc, on sait pas trop quelle était l'orthographe, puisque on sait que les Gaulois transmettaient tout de façon orale et très peu par écrit. Alors, le beco, le bec, hein, la bouche, hein, qui a donné, alors donc, la bouche en breton, le bec, hein, et le bec en français. Voilà, c'est du gaulois, tout ça. Alors, bedu, B-E-D-U, qui désigne quelque chose de creusé, hein, un trou, un canal, un fossé. Hein. En breton, la racine a subsisté sous le nom de B, hein, la tombe. Hein. Voilà, en gallois, c'est bés aussi. Hein. En breton, il y a un Z hein, qu'on ne prononce pas, et en gallois, il y a un double D à la fin. B, donc, la tombe. Belutsia, avec deux C, c'est la prune sauvage, qui a donné en breton, polos, hein, qui est la prune qu'on trouvait dans les fermes, il en reste encore un petit peu par endroit. C'est une plante qu'il faudra sauver à tout prix. C'est une prune qui a un goût assez particulier, de la taille à peu près d'une mirabelle, là, et une couleur violette un peu. Paulus. C'est pas la petite prunelle noire, là. Ah non, c'est pas la petite. Là, elle a un goût particulier. Ah, ouais. Ouais, mais elle est toute petite. Non, la Paulus, elle a la taille d'une mirabelle à peu près. Et En gallo, on dit la belosse, hein, ou la blosse. C'est le même mot. Hein. Voilà. Bétio, avec deux T, B-E-T-I-O, qui veut dire le boulet, le boulot, l'arbre. Hein. Quad bay en breton. Hein. Voilà. Biro, B-I-2-0, qui veut dire court, et qui est un nom qu'on trouve souvent dans les noms d'hommes gaulois, hein, un homme de petite taille, hein, Biro, il est court. Hein. Alors en breton et en gallois, d'ailleurs, on trouve Ber. Hein, Ber. D'ailleurs, il y a le nom de famille, le Ber aussi. Hein, il faut se méfier parce que il y a des Lebert aussi qui sont d'une autre origine, hein, qui sont parce que Ber, c'est en vieux français, c'est le nominatif de baron. Le ber quand c'est le sujet et le baron quand c'est le complément, quoi. Donc c'est pas forcément un mot breton, ouais. Mais il y a beaucoup de le ber en Bretagne. Voilà. Bitu, B-I-T-U, qui est l'univers, le monde, la terre. Hein. B, ouais, c'est B dans breton. Les Bituriges, ce sont la tribu gauloise qui habitait dans le Berry, hein. Donc d'où vient Bourges aussi, ouais, et qui se nommaient eux-mêmes les rois du monde, très modestement, les biturige. Alors, blateau, alors ça c'est un mot qu'on trouve dans beaucoup de noms de lieux, de noms de personnes. Alors, ça désigne à la fois le blé, hein, d'où le français blé vient de là, hein, et la farine de blé. Alors, en breton, c'est plus proche de bleut, hein, qui veut dire la farine. Et en gallois, ça s'écrit B-L-A-W-D, et ça a une prononciation assez variable. Dans le sud du Pays de Galles, on dit bleut, hein, comme par ici. J'avais rencontré un meunier gallois une fois, et il m'avait confirmé que ça se disait bleut. Ce qui est assez surprenant, quoi, parce que par rapport au gallois, il y a beaucoup de mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent de façon très différente, quoi. Borva, qui veut dire une source bouillonnante, hein, et qu'on trouve dans beaucoup de noms de lieux. Et par exemple, en breton, c'est plus tout à fait le même sens, c'est birvi qui veut dire bouillir. Ben, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter et on continuera les mots gaulois la prochaine fois. C'est le moment de la gazette de Henri Le Naou, Petra zo neve er vro, Eri. Ben, kal za draou zo neve er vro, pou er vej diouzan. Krogom de diantan e velkiz a custum, gant la bourdoua, hag ur vue e war ar mez. Er uom bremañ ba kreiz un nan, de enam zor dom benefin, ba vro, ka beta bremañ oa chombe vresk, hag lansemañ de nest. Mais de Hervé Clève n'est que Gualva de Randam en de Blanc, Pelva leur bop de Vidor Blayoel. Zezo wa broha le bez, hein, wa ranke de Brobreis benefin, pesamo de mon compte, mais de Zuroir vaut neuptor guinis, neuptor hei, neuptor hedier, Blanc. Wa ramaïs zo be d'orgud en blaman, ganon en prévan, orgueillon en pelarin mod, zo hounded geomisa. Hag geion en ze, aïe ou ba kal an maïs, hag preve de tamez nahan a zistruch kal an blanten. Hag ba kal ze blaso, e be red hat had an maïs, peut dire maïs ou a be distruch en gant preve de ze geion en ze. Wardach en brise ou bremañ, prise mor zo ed war rog, peut dire bon tu de ze brochina neus non hadlak de breno ki mor hag bon peta bra un amzer du stu a prise mor war grer a peveyin un amzer ta war dro c'est tu bon plusieurs obel un tom tom der et ed war rog prise mor Videlaise, Chomara prise Iselmat, hag Hervé Meusklevet, Menek Gwalskler en Trawas, vos gret gant bro Europa au système neve, et vid zikou reproduit Arjen Lez. Meus angle vos paed, beta vraiment vige paed Lez produit, hag vraiment vos paed Lez a ne vaut que produit. Mais, waran que pe sa mot vos gret juste, meus que ka vot kalz a draou arze beta vraiment, achet vos gotas on tom de vel lagien vos effedus. Un drazé. Neus ket gwall belzo, moala ar etar oa ti eus yezeg breiz, ba lambal a en bon de verzan. Hag kavet so bet benefin an diskloum, evit an daoudiz breiz. Ba en bon ebe prene de ti yezeg, gant tier en bon, hag gant lorient a glo. Hag bon ara en bon de der o labourat, o ar dro ur yezeg. Waran ke just pe sa labour vo gregante, met der vo labour ad war dro ar yezeg. A ba lambal zo ve zorvet ur strolat, evit prenant un araio. Ba strolat zeus mo ker lambal, rand vo breiz hag un departament. Hag bon, ba lambal vo der ad labour ad roaz war ar yezeg, met trowel vo digaset, pe dur enan zo kalz logeriz, hein. Hag vo digas trawel vel ur mirdi matlin mehu da skwer, vo ba hara ben daoulamb. Pe gomtant dar deus kezeg ur vro, dar ve ob ur konkour yaou ma mestra vid yezeg, ne ve so da skwer oa bet ur honkour ba larion, hag o ne ba ma de yezeg oa bet diz kwezet d'ur vernerien, hag bon zizon dravad evel chus vid ur vro. Ba fin nan, vo adare, ve adare, bepla, amzor e homiso. Da skwer, vid kanton kalak, vo gret ba zan igouden, de zadorn ugen de vizest, hag bon, ar vo gwell de zuroar kalz e dud a kalz e lonet. Dan mon tam war da chen ur politikerez. Ur ogo blam, vo ur votadag evit dibab Nini e vo laket war kard or rou e brohal, hag kalz e dud zo war a reng, ka zo war, e mad mont war un droz, pe dur, velan zo kalz e dud hag zo hon war a reng. Das mesk un dud zo hon war a reng, pe klas mont bop de man Christian Troadec, pot karez, an e veso e bet o bor an tam tro, ba bro Corsica, evit raste la donneu pet sinadur yo, evit galo de mond war a rank. Gwellet vo pe sa mod vo kon, gant Christian Troadec. Pe ont kom jez bro Corsica, jez mat, ne veso e bet de ministian tan e republik, notre oval, suit de Reno Arantiet, hor an tam tro ba war enezen Corsica. Hag neus promet kalz e draou d'un dud, enan, da skwer o zikour e vi halfe pe bugel de ze vro diskin yez nenezen a horsek. Hag zezo zouez uzoar, pe dur am breiz chom dist ar war kele nadur eus ar brezhanek hag gouskoude deus meusklevet bopet oam din dan mamez republik bro Corsica a breiz menek mamez lezen ou matrezen. Hag eze a klask ur an gout pe sa mo na perek zo un divor tien bras. De mzonj un divor zo tre breiz a Corsica war dach en ur politik erez. E bro Corsica, kasi tout de la politikourien zo e du gant ze vena du revro. A gamant e breiz de politikourien e gomz a liz de identité le zeur vro, ka e war ba pe diskour vel a alze, med pv kichen ober on drabenek en ne ve den betin. Da skwer pv ve kinig do le on dant ve lezen, evit gwella don tam stad Jezu Gwasket, depute et breiz ve le hel, o anke plar vein, me vein ke ba gamben depute et en desse. Ne ve soz o begwella ze, oaz gant pol, gant dant ve lezen pol molak, an eus kinig e d'or lezen evit gwellad un tamm ke le nadur eus Jezu Gwasket Agenon, ce wakmet de Marc Le Fur à Paul Molac, de un député et de Braïs, à plairoir réel, d'in de war, plus dur en un que bélar et plaroigne. Bon, à Gouscoud et Waller, au von Cleve de Roas, Robert Discourt, au war identité, les œuvres. Ag, bon, zégan, me mestra, andra, cri un temps de velède. Me mestra, Dreschan, ce sont tu de Yulvad, me mestra, au labourat, évider et bé, zévena du raillé zevro. Dasquir, vidigem et rendut, par de nan, et vizi courné, de zisolo in cla de vro, ag, virei bu et d'orvro bénéfine. Ag, bah, par de nan, vegueled, hein, tu de borzé, tu de Yulvad, velarn, hein. Ag, zézo morn, me mestra, car tu dis, de gaz en tro warog. Végénom se regontandard de zlivour yon orvro, braizo bé de porapel, ag, pelzo, même, et, au sort, barados et vide livourien, calz livourien, zo deux de zlerel, hein, à calz riz au bégande dans mon braise, pas de, non, zo d'asquire en disquisadec, tolénou, grain grand simon ormoigne, ou de zmag orba trigorne, hein, la barouse gronvel, à gun disquisadec, ve gwelet, bah, ma médiathèque Rostren a bâti un touriste de ma Rostren IV. Ag, bon, talar à Bouan de Montevel, d'un pès bigret gant Simon Ormogne. Ag, onel au livourel de Zevro, ou à Mateline Meeu, à l'ismus bécombe de 200 bas, en me voir, ou à Geno RKB, à Balambal vos grès d'or, or mire d'inévé, velmeslar et tar bâti yézek, ben doula en me. Ag, bon, mes calz de l'arbre aux odeurs, rog vos grettes. Bah, plougon, bah, plouvoir, gornan, on dra, scavet brau, et bédigor, un vaisseau, gweno, jeune, un amouroustet, un galak, chemin des amoureux. Peut dire, énorme, non, de gars, et gwegel gauze, merde, ag, botre yon, ag, bon, zim, scavet brau, hein, chemin des amoureux, bon. Vigno, je n'en amoureux, sted. War glad, war dashen ar glad was, un tol film zo begren ne vaisseau, war histoire yaudet zo tal la nuen, gant Jean-Jacques Monnier ag Olivier Caillebotte, hein, zo custume d'ortra ou semble zo war dans ve histoire braise. Après, stig zo war fo gwelet bat télé yo avro. Bon, c'est un temps de spessonné ve bavro, ag l'ar an dar tien ar vegel, chilo erien RKB. Kenavo Eri. Ja, tien avo Morgan.